Edith Azam, décembre massigu. L'horloge, elle va taper. X heures, Y secondes. L'horloge va me piquer ses aiguilles. La scène est déjà là. Je fuis le téléphone. On est jour J moins quoi. C'est qui le téléphone qui va me dire ça? Veux pas, veux rien. T'entends le téléphone. Ce coup de sonnerie là que personne ne parle, qu'on ne me dise rien. Je saurais pas entendre. X heures, Y secondes. C'est quel jour qu'on sera? Pourquoi ça va faire ça? Pourquoi tu me fais ça? Non, pas toi. Tring, tring. Je l'entends déjà, ta sonnette. Et tout mon sang se fige. Veux pas, veux pas. Tu peux pas m'appeler pour ça. T'entends le téléphone? Va-t'en. Va-t'en. Viens pas me faire carnage au corps. Ça va sonner. Je sais, ça va sonner. C'est pour bientôt. Et ne sais pas quoi faire. On dit ça, tout le monde le dit, qu'il faut être solide. Il faut que, c'est la vie, il faut que tu l'admettes. Je dis non. Tu entends, je dis non. Personne n'a le droit de dire une phrase pareille. Non, ce n'est pas la vie. Tu la vois, toi, la vie? Tu en as, toi, de la vie dans les bronches quand tu dis une phrase pareille? Tu en as de la vie quand tu craches tes poumons? Tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, le téléphone. J'en veux pas de ta voix. Veux pas l'entendre. Non. La voix que ça fera de dire cette phrase, j'en veux pas de ton corps. Comment je l'imagine lorsqu'il a ces mots-là qui lui cassent les dents? J'en veux pas de tout ça. De ma mâchoire crispée, car je sais pas répondre. Du langage désossé, des expressions minables de ma carcasse creuse comme une dent pourrie, qui sait plus dire un mot et pas même s'accrocher à des automatismes. Veux pas. Peux pas. Veux pas que l'on me voie, que personne soit là. Veux pas vous voir dans le costume, pas pour ça, non, pas là. Non, je ne peux pas entendre. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi toi, tu me dis? Tant mieux qu'il soit là, le costume, il te tiendra debout quand tu ne tiendras pas. Veux pas. Personne, personne. Ne veut pas qu'on me tienne, ne veut pas qu'on me sache, ne veut plus qu'on me voie. On aura l'air de quoi? On dira quoi? Comment? Avec nos voix cadavres. On est le X, il est pile Z. Ce n'est pas là. Non, pas encore, et le cerveau travaille, parce que c'est pour bientôt. On m'a dit pour décembre. On me l'a dit comme n'importe quoi. Comme mange ta soupe et sois sage. Et puis c'est comment le courage? Ça se trouve où cette manière-là quand parler ne veut plus rien dire? Avec un ciel griffé sous la peau et des mots dents de scie qui tronçonnent la gorge. On ne peut pas, non, envisager tout ça avec des phrases pareilles. C'est pour décembre, il va falloir être costaud. Je la bouffe pas ta soupe. Non, ça ne veut rien dire une phrase pareille. Ces costumes bravaches, c'est du n'importe quoi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi le téléphone. Moi, je débranche tout. Je fume une cigarette, j'avale le cendrier, j'essaie de penser l'air, mes poumons et l'espace. Comment je pourrais faire et pouvoir tout sauver? J'imagine le passé, j'imagine l'avenir. J'essaie de dire un mot, mais aucune illusion ne trouve pas. Formule magique, je sais dire abracadabra. Je dis des sons qui rappent, qui m'égratignent jusqu'aux yeux. Dans la mâchoire, un champ de mine, la cigarette. J'aspire une grande goulée. Je recrache tout l'air, essaie de me convaincre. Si je souffle très fort, je pourrais tout changer. Je ferme les yeux. Souffle. Prends tout l'air de la tête et celui sous les clavicules. Me descends le sternum et puis les côtelettes. Je prends tout l'air de ma bidoche. Je visualise toute ma couenne. M'en vais fouiller jusqu'aux orteils, jusqu'à tomber par terre et m'étrangler du cri, je ne sais pas crier. M'étouffe à devenir violette. Les poumons me font mal à se friper si fort et se regonflent alors. Lors d'une violente atroce parce que les nerfs se carbonisent et que le corps, creusé de part en part, s'éclabousse de ses propres morceaux. Conneries, conneries, des défis à la voix. Pour que ça disparaisse. Veux pas, peux pas. Je peux pas vivre un truc pareil. Jamais eu le programme, je n'ai jamais su les mots pour. En parler me dévore. Oui, je sais, on est décembre. Décembre, la ciguë. Allume encore un smoke, fixation, téléphone, surtout qu'il ne sonne pas. Veux pas que ça t'arrive, veux pas que tu me quittes, veux qu'on fasse un voyage, qu'on cueille des champignons, veux la pluie, la montagne, les marches, les ruisseaux, veux ton sourire, tes paroles. Tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, je t'appelle. J'ai besoin de ta voix, que tu me dises encore que tu... Paf. On est le Z de décembre. Tac. L'horloge qui me cloue les os. Et le coup de sifflet qui vrille les oreilles. Automatisme alors. Et décroche ahuri. Le silence, le blanc. Un blanc immense, la terreur et puis le combiné fracassé contre mur. Matin, les heures, les secondes. Veux pas savoir. Ne veux pas savoir et reste plus bas que les couvertures. Le temps dehors. On est décembre, tout est glacé. La main sur la poitrine, je cherche mon cœur. Descends dedans. Je crois aux liens cosmiques, je crois aux énergies. Je crois qu'il ne me reste plus que ça. Y croire. Dans l'en-deçà de moi, me retrousse en entier, au plus grave des chairs, au plus profond du corps, me concentre, intérieur, c'est dire. Je marche vers toi, je fais tout le chemin, m'acharne à te donner les forces qu'il me reste, le réveil sonne, strident, aigu. Les yeux qui s'écarquillent, fixant l'obscurité. Et mon cœur qui me pique les doigts. Refermer le regard, s'en aller à nouveau dans la chaleur des couvertures, dans la chaleur du lien, dans l'obscurité des origines, me ramène interminablement vers toi. Parfois, dans le regard, c'est ton visage qui approche. Il vient quelques instants, puis à nouveau, les petites lézardes vitreuses qui se déglissent sous les paupières. Les suivre alors quelques secondes, avec toutes les questions. Comment retrouver le visage? Comment le faire à nouveau apparaître? Me dit, je ne dois pas penser, juste fixer un point et laisser faire. Rien. Toujours, qui grouille, qui rampe dans mes yeux. Je ne supporte plus. Appuie les pouces sur les orbites jusqu'à me faire trop de pression, me faire mal, un peu, pour dévier l'angoisse. Sous le noir de ma peau, alors, des étincelles, des soleils minuscules, on dirait presque de la lumière. Je respire. Souris, ne sait plus mon attente. Les couvertures, les enrouler autour de moi pour en faire une armure, pour que ça nous bretelle et faire en sorte de ne pas tomber. Reprendre alors le lâcher-prise. C'est dire tendre une main du creux de l'âme jusqu'à pouvoir tenir la tienne. Là, ça y est à nouveau ton visage, ça marche par flash coloré. Je ne suis plus le temps et nous sommes l'espace. À nouveau, mes poumons me servent de grand voile. On dirait, nous flottons, je ne sais pas où, qu'importe, tu me souris, c'est beau. Je me dis, tu es mon ciel. Et je sens qu'il est doux, qu'il est chaud, qu'il m'accueille. Surtout alors, ne plus penser. Mais cette pensée-là, c'est déjà trop de bruit et la mauvaise route. Celle où le tic-tac de l'horloge retentit à nouveau. Le temporel nous extermine. À nouveau, dans la main, le cœur fait l'araignée. J'en sais les mandibules, les pattes qui me détricotent. Qu'importe, je l'ignore, tapote doucement les petits ventricules. Imagine mes doigts sous la peau. Imagine si fort qu'il n'y a plus rien alors, d'imaginaire. Cette vie qu'il nous reste résiste, ne s'avoue pas vaincu. Je dépose mon cœur dans ma paume, l'approche de ma bouche et avec les dents, arrache une à une les pattes de la faucheuse en la fixant, droit dans les yeux. Je sais ma concentration si féroce que rien ne peut m'écarter du bon geste. Je n'ai pas peur, nettoie le cœur dans une patiente assurance. Je soigne, prends soin de nous et nous retrouve alors dans je ne sais quel lieu baigné d'une clarté cristalline. M'y blottis au plus tendre, puis j'ouvre les yeux. Il ne faut pas user, me dis-je. Sortir la tête des couvertures, regarder le plafond, accepter la lumière, il fait jour. Les bras le long du corps, je me demande ce que nous pourrions faire. Je ne trouve rien qui puisse franchir la distance. Je voudrais entrer dans ton corps afin de lui ôter ce qu'il a de malade et qui me dévore mon langage. L'espace, tout l'espace à franchir pour te revoir encore. je pense à la marelle. Comment lancer le bon caillou au bon endroit pour avancer. Je vois les récréations, celles de l'école, celles des soirées au coin du feu, celles des cueillettes de myrtilles, celles, toutes celles que nous nous sommes offertes. De tellement tant petits détails. Je prononce mieux aimé, ricoche alors nez rouge, puis vient le chevalier. D'abord toujours le chevalier. À la virgule, tu t'arrêtes une seconde. Au point, tu en prends deux. Les autres signes sont tous forts, tu restes campé 3 secondes. Et puis, ta voix revient en boucle. Je vais vous raconter l'histoire du chevalier Bran. 1 seconde. Telle que l'a conté une barde au pays de Léon. 3 secondes. Au village de Kerlan. 1. Grande bataille livrée. 3 secondes. Grande bataille contre les Anglais. 3. Il a été blessé, le chevalier. À nouveau, je m'enfuis. 6 mètres sous les couvertures, à des milles et des milles de toute terre habitée, et genoux redécouvrent. L'horloge, les heures, les secondes ne veulent plus rien dire. Dehors, il fait un froid de loup. Le canal est gelé. Je descends l'escalier, traverse tout le parc, et mon cerveau glacé. J'ouvre le portillon. Une bouffée d'air froid me cisaille le ventre. Marche arrière. Je reviens sur mes pas. Soudain, c'est toute mon enfance qui givre ma bouche. Je pleure. Pleure. Hurle ton nom. Non. Je ne hurle rien. Je l'ai cru. Point final. Mais juste dans ma tête, pour m'accrocher plus loin, dans ma tête, les mots, moi, ma grand-mère, je dis mamie, et c'est un mot qui veut tout dire. Ensuite, la tête sous l'eau froide, puis à nouveau sortir, traverser le jardin et me planter debout devant le canal, immobile. À gauche, la campagne, à droite, centre-ville. J'arme du bon côté, il faut que l'on résiste. Je fais un pas, toi tu aspires. J'en fais un autre, tu libères l'air. J'ai ta lettre dans la poche, encore une autre lettre. Chaque jour je t'écris pour te dire attends-moi. J'ai besoin de tes lèvres, j'ai besoin de ta voix, de tes yeux. De ta vie, je ne sais pas faire, je ne sais pas me faire sans toi. Mes pieds, je me fixe à mes pieds. Combien compte bien tous les pas. À chacun, je me dis, c'est une seconde qui passe. Puis je me compte à rebours. Dans 10 jours, je te vois. Il faut tenir 10 jours. Tu tiendras, je le sais, c'est moi. Qui ne tient pas. Tu m'as dit, oui, vas-y, et fais bien ton travail. Fais-le bien jusqu'au bout. Je t'attendrai, promis. Je m'accroche à mes pas, à tous les moindres gestes, et les chronomètres, plus que 10 jours, mamie. Mon travail, je le fais avec sérieux, crois-moi, parce que je pense à toi, parce que tu sais ce que je fais. Et m'interroge alors, pourquoi parler peut plus. Chaque mot, j'ai du mal. Je fais la pantomime, m'applique à prendre sur moi. Mais ça ne veut rien dire, tu le sais bien toi. Tu le sais mieux que tous. Comment je peux donner le change ? Oui, je suis d'accord, il faut bien le donner, quoi qu'il nous reste, oui, il faut donner. J'enfonce aussi loin que je peux mon bonnet sur la tête. Consens quelle froidure, j'en ai des trous aux joues et mon visage fume. Mets la main dans ma veste, tripote ta lettre et m'interroge. Quand la recevras-tu et où vas-tu la lire? Ai-je bien fait d'écrire, une fois encore, que je... Mais je ne peux m'empêcher, je t'écrirai toujours. L'espace d'une page, ça peut aller partout. Tu le sais, je le sais, nous en avons conscience de ce qu'écrire fait, et nous nous y fions. Un pas, un autre, 10 jours encore et je te vois. Promis, je t'inventerai des bêtises, j'inventerai n'importe quoi. Promis, je ne pleurerai pas. Promis. Le concours, c'est pour cette année. Alors nous partirons en voyage. Nous irons vivre dans un chalet, voir le pôle Nord et la Hollande. Promis, si pour le concours c'est loupé, que j'ai le prix Médicis ou Renaudot ou Femina. Mais on s'en fout bien dans le fond. On n'y croit pas plus l'une que l'autre. J'aurai le prix de ton amour. Et ça, c'est chic. Ah, mamie, que c'est chic. Oui, je sais. Je sais, tu t'inquiètes. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Et puis, tu sais, j'ai un chéri. J'aimerais bien qu'il te connaisse. Oui, bien sûr qu'il est très doux. Bien sûr. Bien sûr qu'il m'aime aussi. Oui, je sais, cela t'inquiète plus encore. Mais non, il ne faut pas. Tu vois, cette fois, mamie, j'ai trouvé un garçon. Je l'appelle garçon. Il est bien plus qu'un homme, plus qu'une femme aussi. Il est comme toi, avec ses yeux. Le silence. Et puis aussi, je voulais te dire, prends-moi dans tes bras. Prends le meilleur de moi, s'il te plaît. Je hausse les épaules, me raccroche à mes pieds qui traînent le sol. Retour je ne sais où, ne comprends pas la route, ni je suis, ni vers où. Ah oui, poster la lettre et me suis égarée. Pardon, monsieur, la poste. Dans la rue d'à côté. Et vous sauriez me dire aussi où je partais? Je m'en allais vers où? Répondez, s'il vous plaît. Autant parler au vide. Mes propos sont malades. Je frissonne, bégaye. Parler me vrille les tympans. Ça sonne faux, ça cacophone. Tu me manques tellement que j'en perds toute ma bouche. Le froid de loup, c'est lui qui hurle ou ma cervelle. 4 pulls sur le dos, m'en faudrait un 5e. Je rejoins le canal, puis aucun son. La neige, je la regarde flotter pendant ce temps. Je tombe. Étrange ciel creusé de lune. Dans ma main, un dessin se termine. On dirait ma ligne de vie. J'essaie d'écrire un peu. Mais comment penser dans le vacarme d'une intériorité qui s'abîme? Mon langage n'est plus qu'une bouillie verbale. Je me raccroche au monde, à ce que mes sens en absorbent. Le vent dans les feuillages. Le poids de la nuit sur ma joue, les ombres des bougies qui parcourent ma main et qui la font trembler. la réverbération hallucinante de la feuille blanche, les vapeurs de tisane et les trois noix brisées. J'essaie de débloquer les mâchoires, libérer le visage de ce qu'il a perdu. Mettre des gestes sur l'absence et le vocabulaire, chercher le bon lieu, la tanière et m'en remettre au calme. Oui, m'en remettre à cela. Mon écriture borgne et mes dessins fanés dans les fragments de langage qu'il sauve. Faire encore une croix sur mon calepin bleu. Des croix au quotidien, parce que j'ai besoin de cela. Signer que les jours nous séparent. Que chaque jour est-ce jour un jour de plus sans toi. Et mes petites croix, entassées sur le sol, viendra le temps où elles me feront un visage, vers le soleil, en signe clair de nos joyeuses retrouvailles, pour leur écrire, t'écrire et m'éviter, mon orpheline. Tendre vers le courage, suivre le flot de ce qu'est vivre, quand bien même à la fin il n'y a aucun doute, vivre n'aura jamais été assez. Alors où que ce soit, te rejoindre, qu'il me serve au moins à cela le langage. La nuit dans la poitrine, tout passe devant mes yeux comme un long paysage. Quand restera-t-il après toi? Après toi, mes ténèbres. Les ruisseaux à sec dans les combes, la carcasse dressée blanche, l'animal mort, les corbeaux arrachant le cœur des personnages, les giboulées comme les clous, la solitude, et puis, après toi, non, je ne sais pas ce qui se passe, et tout me vient derrière moi, les mots, je ne saurais plus quoi en faire. Et me revient une fois de plus cette vieille envie de mutisme. Mais la parole, ça ne se termine pas si vite, la parole, non, ça ne finit jamais de nous mettre à genoux. Une fois encore, à quoi bon? J'ai les mains froides, moites, et tout ce poids de nuit qui pèse sur mes os. J'observe les bougies, les ombres sur la table qui semblent dessiner ce drôle de malaise où tout mon corps se noie. Ce sont des ombres insaisissables qui proviennent bien plus du lieu où elles s'agitent que des petites flammes. Elles grouillent telles des vers. Pour un peu, on pourrait les entendre gémir. Cela me fait froid dans le dos. Dehors, toujours la neige. La neige et la lune au milieu. Je me lève, pose ma tête sur la vitre. Vois la nuit blanche sortir d'un seul coup. Cela m'allège. J'ouvre les fenêtres. C'est le silence alors qui entre dans la pièce. Un long silence aérien. J'écris cela, cette sensation, me demandant comment il me serait possible de la dire autrement. C'est un morceau d'espace qui pénètre, un pan de firmament silencieux qui m'offre le lieu que tout à l'heure je cherchais. Et qu'est-ce que le repos, si ce n'est ce relâchement du corps qui le fait disparaître? tard, je ne sais pas le temps. Il casse. Derrière la fenêtre, je regarde les toits, celui de l'usine à 50 mètres, et au-delà, les crêtes de pin qui débordent, le cimetière. Je ne supporte pas et change de fenêtre. M'en vais vers les carreaux donnant sur le canal, au-dessus du jardin, en face du grand cèdre. Je cherche l'écureuil, il doit croquer ses noix dans un abri quelconque. Et pareil les canards, les poules d'eau, le jet. Il n'y a personne que la neige. Voudrais faire quelque chose pour avoir bonne mine, tente un dessin. Et c'est le vide, un grand trou d'air glacé qui m'ocelle le dos. Je ne tente plus rien. Fixe un flocon de neige le plus longtemps possible. Il me perd chaque fois, et puis je me perds seul. Passe d'un signe à l'autre dans le blanc paysage. Observe les coutures entre le gel et l'eau. Il lit quelques poèmes, m'assied devant une feuille pour les recopier. Cela fait un temps d'au moins un tiers de lune. J'écris, puis me griffonne, dessine les brouillons, ajoute d'autres phrases. Mais ces ajouts me louchent. Alors je jette tout et fais une autre lettre qui poubelle aussitôt. Jusqu'à ce que les ombres me signalent qu'il est temps, que c'est dans moins d'une heure qu'il faut poster cela. Alors à nouveau, mon urgence. Le cerveau fait sourdine. J'écris n'importe quoi. Tout ce qui passe dans la main, pourvu que tu m'attendes, pourvu que ton regard, pourvu que... Ma petite mamie, avec tout cet hiver, surtout ne prends pas froid. Ne pars pas à New York courir le marathon. Repose-toi, bouquine. Prends soin de toi, prends-en bien soin. Et puis te dire aussi, je viens d'écrire un livre. Il s'appelle Cerveau. C'est à cause des ronds que font les cailloux d'eau. J'en ai lancé 100. Un, afin de faire un vœu, toujours le même, vers toi toujours, ça m'a tenu au moins une heure, en apnée au bord du canal. Voilà pour mes bêtises, qui sont n'importe quoi, mais ne sais pas quoi dire, je pense à toi. Essaie de manger, un peu, et pense à la lune. Dans moins de quelques jours, je nous rejoins. Je plie la feuille en deux, l'enveloppe, l'adresse, et hop, je file. Les pas, toujours compter les pas au rythme des secondes, devant la boîte aux lettres. Je sais, j'ai bien fait 500 mètres. 500 divisé par 60 égale 8,3. Donc 8,3 minutes de temps mis dans ma poche. Pour le retour, je fais un autre itinéraire, un long, très long, afin de raccourcir au mieux le temps où je ne te vois pas. Et puis, le calcul fait, je me retrouve bête à me dire, c'est idiot tout ce que je raconte. Alors, le trou du dos remonte dans le crâne. Peu à peu, tout se fige et l'angoisse revient. S'il était trop tard. Mes mâchoires se visent, m'enferment à l'intérieur de ce que tu couronnes. Je plonge dans ta voix, y entends le courage. Pour me calmer un peu, anesthésier l'épreuve, je fais un long flashback jusque dans la cuisine, moi les oreilles ouvertes et toi. au village de Kerlan, au bord de la mer, grande bataille fut livrée, grande bataille contre les Anglais. Ma solitude alors devient mon territoire. La certitude d'être seul renforce celle, désespérée, qui grimpe le long de ma colonne. Je ne m'effondre pas. Non. Et cela me réchauffe. Les mots se nichent dans mon oubli pour nourrir plus tard. Ma mémoire, sensation d'isolement de chaque partie du corps, et c'est ton nom, me semble-t-il, qui fait tenir le puzzle. J'avance, les yeux levés vers la cime des arbres, le champ de nuit d'étoiles. J'avance persuadé que ce sont les objets qui décident, le monde seul nous met en relation. Mais comment penser des formes quand c'est du fluide qu'il faudrait, afin que se dissipe un peu le désastre, la finitude de tout ce qui existe. Quelque chose d'infini alors s'élève. Est-ce nos souffles du vent? Sur le tapis neigeux, les ombres me brisent, la mémoire. Je cours. À perdre haleine tout le long du canal, je cours jusqu'à plus d'air, jusqu'à tomber à terre, et de la main, j'écris ton grand nom sur le sol. Un ciel froid, vertical, et dur comme la pierre. Il est l'heure où l'aiguille casse mon crâne en deux. J'ai pris 3 aspirines, aucun effet, aucun. La migraine m'a rouillé dans les yeux. Je ne supporte rien, il faudrait que je dorme. M'allonge sur le lit qui craque de tout son bois. Ça pourrait être mes os. Soudain, je me redresse. La peur du téléphone. M'en vais le débrancher, puis m'alite à nouveau le long de mon corps raide. Et ça fait des bruits secs. La pénombre me parle. Avec mes yeux rayés, le plafond se grillage. Je pense au fil de fer, aux petites clôtures qu'il faut ouvrir, fermer, lors de nos promenades sur les GR dans la montagne. Eh bien, fermez les yeux pour trouver la lumière qui, dans l'obscurité, me viendra sans morsure. En effet, des visions m'apparaissent en douceur. Puis, avec la clarté, c'est la paix qui m'arrive. Je nous vois toute petite, au loin, sur un sentier. Il y a des cheveux d'anges qui frissonnent sur le sol, des odeurs d'herbes chaudes, de miel et d'épilobes. Nous avançons. Le paysage est grand. Le ciel propose un bleu que je ne connais pas. Des myosotis dedans et des grains de lavande. Un ciel pareil, c'est ton regard. Je fais un zoom avant. Trop zoomé, fort probable. Je n'ai que la bande-son. Tu me racontes. Il a été blessé, le chevalier Bran, à la rude bataille de Kerlan. Il a été fait prisonnier et emmené au pays des Anglais. Ensuite, l'obscurité revient quelques secondes, juste le temps sans doute de rembobiner les images. Le petit chalet près des bois dont la cheminée fume. Tu prépares une soupe au pistou. Cela ne se devine à rien si ce n'est que nous aimons ça l'une et l'autre. Une autre image se superpose. Un canif dans la main. Je suis dans la forêt. Cherche des champignons. Je marche lentement en regardant le sol, puis m'arrête soudain. Mes oreilles. Elles ont perçu un pas qui n'était pas le mien. Je ne dis rien, reste immobile. Le bruit approche, puis le museau d'un renard clair, au pas léger. Le plus curieux renard du monde. Je lui fais signe de la main. Et lui s'arrête et puis s'avance. S'avance lentement. Puis s'en va. Tout bas. Alors je le rappelle. Renard. Renard. Et lui revient, petit pas, petit pas. Je le vois qui hésite. J'avance alors, m'enfonce au cœur des arbres. Lui me suit. Je m'arrête. À nouveau sa ronde, signant son territoire. Puis la pose. Il me regarde. Et nonchalamment, me sépare. Je ne dis rien cette fois-ci. Je le laisse aller, me demandant soudain ce que fera le sol lorsque je franchirai le cercle. A priori, nul ne s'effondre. Tout va bien, me dis-je. Abasourdi d'avoir vécu une rencontre qui me semble encore irréel. Après, je ne sais pas. Peut-être une autre image dans laquelle je m'endors. from his hair run. I put my fist up after I get my dick sucked. Quick buck, maybe it go. After filling my rip. Promise hair run, I put my fist up after I get my dick sucked. Quick buck, maybe a gold chain. With that fucking flow, the sister so belittles men. They tentatively tend to turn and go when I am finished stone cold. Hardly fucking with these niggas, nigga listen. The description doesn't fit, if not a synonym or menace, then forget it. Intern, these critics and interns admitted this shit spitted. Just burn like six furnaces, ridded up fixed. Learning digits and simultaneously dispelling one trick pony miss. Isn't he? One adolescent fucking six nigga energy and crawling. Falling down facts like a rich nigga centipede. Crack ceramic and slap a hand out of cash account. Stamping, shouting, thrashing. These niggas done let the cracking out. Crack a lacking like snap, crackle, popping your ammo off. Hide your face and throw your flannels off. Sweatshirt, nigga. 87 rooftop, Bronson whipping hoop, these trying boots, raw chronic. Brutus in that booth, double scoop, hawk, vomit up, sub, rockin' thud, knocking niggas' teeth loose. Bruh, I don't fuck with no cops. Rollin' with that flow swan, catch me over stove top. Rapping to that coke rock, passionless and old jaw clothing with them doors wide open, dim the flow, lights focus. Like it's nothing, cause it's nothing, bitch. From a city that's recession hit, stressed niggas can flex metal with pedal to rake pennies in. Desolate testaments trying to stay Jekyllish, but most niggas hide and Brenda just stay pregnant. Breaking news, that's less important when the Lakers lose. It's lead in that baby food, heads trying to make it through. Fishnetted legs for them eyes that she catered to. Ride dirty is the fucking sky that you praying to. So here I sit, I in a pyramid. God spit it like it's true serum in that beer and then disappear again, reappear bearded on top of a leer, steering it into the kid's ear again. Provider of the backdrop music for the crack rock user and the mascot Earl. Rod and a skin kneecap on a black top, salivary glands, lighter fluid for the matchbox striking. Wait, who the fuck you badder than? Boy, oh boy, I'm bad as burnt. Poyo off the grilling shit. Spitter of the little Nick. Nimble Rick rolling bitch niggas. Pick litter piff blow. Plus I pillage shit. 87 rooftop, Bronson whipping hoop, these trying boots, raw chronic. Brutus in that booth, double scoop, hawk, vomit up, sub, rockin' thud, knocking niggas' teeth loose. Bruh, I don't fuck with no cops. Rollin' with that flow swan, catch me over stove top. Rappin' to that coke rock, passionless and old jaw clothing with them doors wide open, dim the flow, lights focus. Like it's nothing, cause it's nothing. With all bitch. That tough talk, bro, we know you niggas ain't about shit. Come around, we gun them down, bodies piled, Auschwitz. Bulletproof outfits, weapons concealed, I'm ready to kill. So tested, all my weapons is real. Selling this, couldn't tell them what the recipe is. Got them wishing that they never gave these weapons to kids. Cheers, send chills up spines of fat bitches at the shows, throwing out sandwiches. Niggas get it how they live, and I live for money. Other words, I'm getting money. Little boy told me when it's time to ride, they'll send it for me. Ain't nobody scaring me, niggas ain't prepared for heat. Tools hit like pool sticks, the way I cue shit. If this was 88, I would've signed a ruthless. 9-4, would've had them walking down death row. First is when the best go, haters what the rest do. Voice inside my head told me wet them if they test you. So it's raging water season, that yamper big as Larry Johnson. Leave your mama seedless, everybody hard until it's only God they seeing. Kitten soft, but in they songs be trapping hard as Jeezy. I don't believe it, but to each his own. I ain't tripping long as I can reach the chrome. Heat your home like Southern California gas. Police pass, tell them free smalls off palm with the heat drawn. Strapped up long as the chief of police armed. Raised where the beast are, north of the beach. A couple streets past Baby J. Bony niggas spraying K's. Ruger with the pork face. Jewish for the court case. Here to save you niggas from the sorbet. Cold chain. like it's nothing, cause it's nothing, bitch. Voilà, moi je vais essayer de faire des pommes d'amour. La gaufre à l'ancienne. Je sais pas si vous avez prévu. C'est pour la paella, alors il faut que ce soit en pleine de riz, un kilo de sucre. Alors, Clutch Café. De l'autre qui tenait la cigarette presque entièrement fumée. Juste après, la bouche du métro était dans le noir. On descendait avec précaution. Aux dernières marches, on se cognait à ceux qui sortaient et on passait le portique d'entrée, le souffle un peu tenu. Le noir épais des quelques mètres avant le premier coude du couloir était parfois troué d'éclairs très blancs, reflétés sur la faïence des murs. À la suite de l'ombre qui marchait devant, on découvrait d'un coup le corridor bas, éclairé tout au fond par un projecteur soudé à la poutre métallique. La lumière du quartz tranchait par à coup l'obscurité des marcheurs. Hommes qui parlaient, accroupis devant les paquets de mouchoirs. Le garçon de 10 ans était assis à l'angle, jambes ramenées contre le torse, pieds gris de poussière, capuche rabaissée sur le nez. On ne lui voyait que le menton et la bouche qui recrachaient la fumée de la cigarette. Passé l'enfant qui faisait tomber la cendre d'une secousse, le couloir suivant était plus large, un même quartz au loin et des murs de faïence. De la ligne de néon qui coupait le plafond, seuls deux contigus donnaient un faible halo. Là, contre le mur de droite, l'enfant qui dormait pieds nus, allongé sur le ventre, avait les cheveux noirs et ras, trois anciennes cicatrices sur le crâne. Blumenwege führen auf dunkle Gewässer, Geschwister, die sich tödlich stritten. Kreise sind die Sterne geworden, sieh in mein verwandeltes Gesicht. Sieh in mein verwandeltes Gesicht, Tiefe beugen sich. Die Sterne, sieh in mein verwandeltes Gesicht. Alle meine Blumenwege führen auf Dunkelgewässer. Geschwister, die sich tödlich stritten. Greise sind die Sterne geworden. Sieh in mein verwandeltes Gesicht. Sieh in mein verwandeltes Gesicht, Tiefe beugen sich die Sterne. Sieh in mein verwandeltes Gesicht, alle meine Blumenwege führen auf Dunkelgewässer. Geschwister, die sich tödlich stritten, Greise sind die Sterne geworden. Sieh in mein verwandeltes Gesicht. I was in high school, playing the game, these cards were business ones, teachers looking at me like I thought I couldn't give a f***. But what they didn't know was that I didn't show them my potential, it was frozen till I sliced them like a shogun. This is the art, words on point like a blow dart. If you've never heard of this bastard, then you don't know bars. Passed out the disc like I handed out the dick, mixed the beats so hard that they were damaging your whip. Went to college for a year and a half with no credits, I just went to rehearse the verses and bad edits. I was working at GameStop and drove up to LA to get a five spot. After closing up shop, these hipsters calling me hipster was getting old, makes me sick. Man, you couldn't get more punk with extra holes in your dick. I don't give a fuck about you or the rules of your clique. I'd be willing to bet and lose it all at the drop of a shit. It's a long time coming if you don't recognize the hustle and the discipline and pay no attention. If you can't see me musically, then pay no attention. You can't understand the movement, then pay no attention. It's a long time coming if you don't recognize the hustle and the discipline, then pay no attention. If you can't see me musically, then pay no attention. If you can't understand the movement, then pay no attention. And my adjectives snitch when my adverbs sing. My prepositions will let you know where I'm at. And when I'm there, these pronouns are lending a voice to the cat. My nouns are and my verbs do things. And my adjectives snitch when my adverbs sing. My prepositions will let you know where I'm at. And when I'm there, these pronouns will lend a voice to the cat. You see the illustrated man painting pictures with his hands. It's the illest when I visit every image in the stanza. My wrists run the red and blue ink, while my yin and yang covers every dot that you could think. Blow water dropping every single plot that you could blink. Till you take that wrong turn, cups are clinking in the clink. Cold cocking, world record clocking in my sleep. Rocking beats in the jungle, got me knocking over trees. Feel the breeze? It's me breathing for these cold seasons. John's Adam, Benedict, creeping, no treason. Hancock for Franklin, reasonable bacon. Watch your back, bacon, steaks is medium well. My competition's seedy and frail. Pop jars like Advil, this is the season of hell. Spit ice the size of anvils till your demise is handheld. This ain't a Game Boy, these cartridges is where your man failed. Try to fuck with me, we can scrap like a landfill. Rapping out of Highland Park or drunken off of bad pills. Life is kinda blurry though, blow a sass. Watch, cause I'm the grittiest motherfucker to grab the mic. My grammar is my posse, my grammar is my posse, my grammar is my posse, my grammar is my grammar is my grammar is my posse, my grammar is my posse, my grammar is my posse, my posse, my posse, my grammar is my posse, my grammar is my posse, my grammar is my posse, my grammar is my grammar is my grammar is my posse, my grammar is my posse, my grammar is my posse, my posse, my posse. I used to give a f**k. A long time ago, days were filled with juice, TV and Oreos. If you saw me then, you could never see who I am. I'm 100 years of torture with a bullet in his hand. You can see me now, cause there ain't nothing else left. My brain is a disaster zone, panic in my breath. Give me shelter now, really need my rest. I used to give a fuck. A long time ago, things were filled with juice, TV and Oreos. If you saw me then, you could never see who I am. I'm 100 years of torture with a bullet in his hand. You can see me now, cause there ain't nothing else left. My brain is a disaster zone, panic in my breath. Give me shelter now, I really need my rest. There ain't nobody flyer than me. I say a couple words and you can hear the birds sink in the trees. The fetus in the earth glistens and breathes until he listens to greed. With age, he whistles and bleeds. I would shake your hand, but my fingers are peeking into the dust. Crumble paperback, skin in the gust. But who can leave? Society is digits and pus. We're living the us before we cripple pictures of us. It's sickening, God. Dreams of dogs biting a dove. I forget the last time that I was living in love. I spend my nights drinking it down and living it up. And by the morning, feel the sickness of a blistering cuff. Wondering if I've been filling it up. Hitting the ground like 1,000 pounds lifted, but we stitching it up. Until the next time I'm feeling limited with the bust. And hit the pillow like a bus. Till the bars crush. For a minute, I forget that I was sucking the gun. It's no fuss. But some of the time, it's all fuss. There was a time when I felt the utter presence of hell, tugging at my coat of arms with the sensitive smell of smoke. Many a croak where I should have fell, falling in the well of fire, walking the desert of many marksmen. But I couldn't find my canteen like Carmen, cause karma is my last girlfriend. See me now, cause ain't nothing else left. My brain is a disaster zone, panic in my breath. If you saw me then, you could never see who I am. I'm 100 years of torture with the bullet in his hand. To tell you that I get laid every day and stay undefeated since I was a fetus working minimum wages. That mind frame has got these players rhyming in cages, living half life, radiation stuck to the pages. I make records, but I want nothing to do with history. The only time I'm feeling fine is in my inner sleeve. The only time I'm seeing shine is in the reflection. So I throw stones at him. I throw stones. One night I was... Oops. Sorry. Yeah. Okay.

What I'm Thank you.